Directement de la discothèque de C'est Fou, bienvenue à C'était Fou spécial numéro 1. Bonjour et bienvenue à une autre édition de C'était Fou, je m'appelle Mathieu Plante. C'était Fou a pour mission de se frayer un chemin à travers la grandiose discothèque de C'est Fou depuis ses débuts le 7 septembre 1997. Normalement, à chaque fois qu'on se rencontre, une semaine serait choisie. Par contre, dans cette édition spéciale numéro 1, on entendra évidemment que des pièces qui ont été numéro 1 à travers les années. On va quand même conserver le thème habituel de semaine choisie au hasard. Vous allez voir, on va varier d'année en année. On entendra des artistes et des groupes tels que Papillon, Mother Mother, Mimi Van Der Glo, Horror Pops, Mes Aïeux, The Darkness, Les Ghouls, Alaska et Standing Waltz. Donc, malgré le spécial, ça va être une belle heure de nostalgie pour les habitués de C'est Fou et des découvertes pour ceux qui nous découvrent encore. On va commencer à l'instant avec un bloc, un couple. Ça va marcher en couple du début à la fin de l'émission. Donc, la position numéro 1 franco et la position anglo pour la semaine du 13 au 19 avril 2007. Du côté anglo, on entendra Mother Mother avec Oana de l'album Touch Up. Mais on débute avec Papillon. Voici sur l'album Pop Rop, la pièce Histoire de pêche à C'était Fou au 89.1 FM. We'll rest and wash the blood if I bought red. Being this godly can't be good for Anna, save me. I'll fake God, I'll fake God today. Hop up on a cloud and watch the world decay. And I'm on my shoulders and we'll laugh away. Faking this God, it can't be good for. And I save me, and I hear me, and I baby, I'm not crazy. Les numéros de la semaine du 13 au 19 avril 2007 dans cette édition spéciale numéro 1 de C'était fou. Ça, c'était Mother Mother avec Ohana de l'album Touch Up. Et avant, c'était Papillon avec Histoire de pêche sur Pop Rap. On continue tout de suite avec un deuxième bloc. Les numéros de la semaine du 7 au 13 octobre 2005. Tantôt, il y aura Horror Pops avec Freaks in Uniforms. On débute avec Mimi Van Der Glo. Voici Polaroid. We'll be right back. visage. De ton visage, mais oh. Ton visage, de ton visage. Et je me ferme les yeux, je vois sur les assiettes qui pleurent sur le feu. Et je ferme les yeux, je vois sur les assiettes qui pleurent sur le feu. Et je ferme les yeux, je vois sur les assiettes qui pleurent sur le feu. De la semaine du 7 au 13 octobre 2005, on vient d'entendre une pièce qui est célèbre pour son utilisation de l'autocensure. Tu peux aller te faire nananana. Hein? Hard Pops avec Freaks in Uniforms en première anglophone. Et avant, c'était Mimi Van Der Glo avec Polaroid qui a été réédité sur leur album Radar. Mais avant, en 2005, c'était juste un simple qu'on avait reçu, un maxi de la part de Mimi Van Der Glo qu'on joue depuis tellement longtemps. Je crois que ça, c'était peut-être le premier extrait. Tu vois, là, je m'en rappelle pas parce que j'ai pas mis fait devant moi, mais il me semble 2005, c'était le début. On va passer à un autre bloc de numéro 1. Évidemment, dans l'édition spéciale numéro 1 de C'était fou, on a fait jouer que des choses qui sont passées par le numéro 1 à un moment donné, des positions numéro 1. Donc, on est rendu la semaine du 16 au 22 juillet 2004, toujours choisi au hasard, comme toujours à l'émission. On va entendre The Darkness tout à l'heure avec Love on the Rocks with No Hags, mais on débute avec Mes Aïeux sur le même album que la pièce des générations que vous connaissez, que vous êtes tenu d'entendre. Voici Ton père est un croche qui, elle, je me suis pas tanné autant. Vraiment pas. la grosse descente sent au moins 160 des cotteurs, des jetons, pis dans ses boutons de là. Adieu les beaux cocottes, à mon père les menottes. En l'absence de mon père, personne pour s'occuper de la terre. Les moteurs ont su ça vite, nous ont payé une petite visite avec le bonhomme en prison. Ils ont pas eu trop d'opposition, ils ont planqué d'autres plans au milieu de notre champ. Ils ont dit si jamais tu manquerais, y'a soin d'un gilet par balle. Un gun entre les dents, c'est un argument convaincant. Le curé pis ma mère, c'est pas pour faire cette affaire de chez vous, comme chez nous. À la mode des jaloux. La morale de l'histoire, voulait-il à savoir? La morale de l'histoire, voulait-il à savoir? C'est qu'on dénonce seulement ceux qui sont pas épargnés. Attache la tuque avec la broche, ton père est un croche. Et moi, que vais-je faire pour pas finir comme mon père? Et moi, que vais-je faire pour pas finir comme mon père? S'ils veulent pas de moins dans le vice, j'vais rentrer dans la police. Avec la broche, ton père est un croche. Attache ta tuque avec la broche, ton père est un croche. Yeah. J'ai dit, ce gars-là était content d'avoir trouvé cette phrase-là. J'ai dit, je vais la mettre 50 fois dans la même chanson. Vous aurez reconnu The Darkness avec Love on the Rocks with No Eyes, précédé de Mes aïeux avec Ton père est un croche, les deux numéro 1 de la semaine du 16 au 22 juillet 2004. Vous êtes dans l'édition spéciale numéro 1 de C'était fou. On vous présente évidemment que des positions numéro 1 à travers les années. Au retour, il va y avoir plus tard les Ghouls, Alaska et New Radicals. Mais avant ça, on prend une petite pause à C'était fou. Restez là. Bonjour, vous êtes toujours à l'émission C'était fou, l'émission qui rend bobine, c'est fou. Et cette semaine, ben, c'est une édition spéciale numéro 1. On vous présente évidemment des positions numéro 1 francophones et anglophones à travers des semaines données. Voilà, au hasard, choisi au hasard. On est rendu à la semaine du 22 au 28 novembre 2002. Tout à l'heure, on va entendre Tribe of Judah avec Left 4 Dead. Mais on débute avec les Ghouls et on écoute leur pièce, célèbre pièce, Crabe, où ils nous présentent leur crabe de poche. Hein? Ouais, c'était fou! Enchanté! Enchanté! cette juvénile semence s'enivre à tous les hommes de délicieux parfums rebelles et puissants. Que des sports agrandissent au soleil, une volubie te consumera. long bloc composé de 4 positions, numéro 1 à travers le temps. Ça, c'était un bloc de pièces du 6 au 12 novembre 1998. Le numéro 1 francophone, Alaska, avec Marie-Jeanne. Et le numéro 1 anglophone, qu'on vient d'entendre, New Radicals, avec You Get What You Give. Et on a débuté avec un bloc de la semaine du 22 au 28 novembre 2002. Les Ghouls avec Crab et Tribe of Judah avec Left 4 Dead. On va se quitter avec un dernier bloc de numéro 1. C'est ceux de la semaine du 5 au 11 juin 2009. Standing Waltz avec Cité Phosphore et Surefire Machine avec Paparazzi. Et voilà, ben, c'est tout ce qui... C'est tout ce qu'on avait à faire pour cette édition numéro 1. Ça a passé très, très vite, sans trop parler comme ça. Donc, merci beaucoup à Alain Lefebvre, le directeur de la programmation et directeur musical. Comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de l'émission et télécharger les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Je m'appelle Mathieu Plante et n'oubliez pas, c'est pas parce que l'émission s'appelle C'était fou que celle l'est plus. Bye bye.